Bonjour à tous, c'est Renaud. Bienvenue dans ce nouvel épisode de On s'écoute ça tout de suite. Bonne écoute. Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'On s'écoute ça tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait très chaud au cœur. Comme à chaque numéro, j'ai l'immense joie de retrouver mon cher Vincent. Comment oui, ça va, bonjour. Vincent ? Alors, de plus en plus nombreux à nous écouter, mais vous n'êtes pas nombreux quand même, hein, attention. N'allez pas imaginer qu'on a des millions d'auditeurs. Oh, on en a déjà des milliers et c'est pas mal. Alors, on va entrer directement dans le vif du sujet. Jeff Beck avait déclaré dans les années 70, en parlant de sa chanson à son plus gros hit, I.O. Silver Lining, que c'était comme si on lui avait mis, qu'il s'était mis d'ailleurs tout seul, une lunette de toilette rose autour du cou pour le restant de ses jours. Et c'est avec cette image de chiotte un peu que j'aimerais introduire le thème de l'épisode actuel, les One Hit Wonder. Mais Vincent, qu'est-ce qu'un One Hit Wonder ? Alors, les One Hit Wonder. Alors, les périodes musicales sont émaillées de ce qu'on appelle en français les succès sans lendemain. Hein, c'est beau en français. Ces artistes qui, en groupe ou en solo, se sont fait connaître avec un seul tube, un seul morceau. Alors, le terme est applicable à la littérature, au cinéma, au sport, mais c'est surtout dans le domaine musical qui prend tout son sens. Donc, par exemple, la période de l'été, avec ses tubes de l'été, est particulièrement propice aux One Hit Wonder. Mais vous allez voir. Coup d'euro. Et oui, exactement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, que tous les styles et toutes les époques sont concernés par ces One Hit Wonder. Mais merci à ne pas confondre, bien sûr, avec les Double One Hit Wonder. Eh oui, ça existe. Une catégorie vraiment à part entière. Mais je vous propose de commencer tout de suite avec ton morceau, Vincent. Alors moi, je commence et je t'emmène directement dans la patrie de Gordon Ramsay et Susan Boyle, l'Écosse. Dans les années 70, et je te propose un petit truc pop et entraînant pour commencer, puisque Steeler Wheels sort en 1972, leur One Hit Wonder, Stuck in the Middle with You. Je vous laisse écouter, cela va sûrement vous rappeler quelques souvenirs. Allez, on s'écoute ça tout de suite. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you pounded, you're a selfie man. And your friends, they all come calling, slap you on the back and say, we'll be right back. un problème récurrent quand on parle de One Hit Wonder, c'est de se dire que si c'est le seul morceau connu du groupe, c'est que c'est le seul bon morceau du groupe. C'est vrai. Mais tu me disais justement, Noé, qu'ils ont fait des bons albums, hein, Steve Irwin. Ouais, vraiment, vraiment très sympa. Qui avait plutôt bien marché, mais c'est là tout le drame. Je sais pas s'ils ont bien marché ou pas, mais je sais qu'ils sont très sympas. Ouais, et c'est là tout le drame et la beauté des One Hit Wonder, c'est que peu importe tous les morceaux qu'on a pu faire, le public ne s'en rappellera que de un seul morceau. D'où la cuvette de toilette de Jeff Beck. Exactement. Merci pour cette anecdote toilette. Alors, Steel Wheels, c'est un groupe formé en 72, 3 albums, et si ce morceau a cartonné à l'époque, c'est parce qu'en 92, Quentin Tarantino l'a dépoussiéré dans Reservoir Dogs avec cette scène absolument culte où l'on peut voir cette scène de torture où le personnage de Michael Benson va couper l'oreille d'un flic infiltré. Oreilles. Et oui, avec ce morceau en fond, et ça donne une scène complètement surréaliste. Hein. Pour les amateurs de Simpsons, il y avait même une parodie de cette scène avec Itchy et Scratchy, hein, avec ce morceau en fond, c'était assez drôle. Et donc pour l'anecdote, Tarantino a déclaré dans les interviews que pour les auditions, il avait dit aux acteurs « J'aimerais faire la scène avec ce morceau, mais si vous en choisissez un autre, c'est ok, vous inquiétez pas. » Et tous les acteurs revenaient plus tard en disant « Bah en fait, on n'a pas trouvé mieux que ce morceau pour cette scène. Hein. » Comme quoi, des fois, c'est une épiphanie comme ça, on trouve le bon morceau pour la bonne scène et rien d'autre. Quoi. Et donc voilà, c'est ce film qui a redonné une seconde jeunesse à ce morceau. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert ce morceau. Hein. Et beaucoup, il était passé hein. aussi dans Malcolm, tiens. Ah ouais. Ah, on l'a entendu, Malcolm. Ah, Malcolm voilà. in the Middle. Voilà, et donc c'était pour le petit point culture. Et bah, on va rester en Écosse, enfin, pas trop loin, on va faire un petit détour du côté des eaux tamponneuses. On va aller en Angleterre, hein, où on va retrouver la définition du destin brisé par le rock'n'roll, le héros qui inspira notamment David Bowie, hein, pour son décadent Ziggy Stardust, une icône du rock anglais. Je veux bien sûr parler de Vince Taylor avec Brand New Cadillac. On s'écoute ça tout de suite. Hein, en plus d'être l'homonyme de votre animateur préféré, non, en vrai Vince Taylor s'appelait Brian Morris Holden. Donc Brian Morris. Comme l'homonyme de votre paquet de cigarettes. Voilà, préféré. Les Brian Morris Comel et Murlbara, voilà. Pour ne pas faire de pub. C'est donc un rocker anglais. Enfin, au début de sa carrière, il disait qu'il était américain parce qu'à la place, c'était plus crédible d'un point Rocky. En France, on a eu bien sûr Johnny Hallyday et Eddie Mitchell et Dick Rivers. Mais qui disait qu'il n'était pas américain Si, Dick Rivers avait dit oui, chez nous, en Amérique. Il aurait mieux fait de se taire ce jour-là. Pour revenir à Vince Taylor, hein, il s'habillait en cuir noir, hein, avec une grosse chaîne autour du cou. Run DMC et consorts n'ont donc rien inventé, puisque en 59 déjà, quand il sort le single Brand New Cadillac, il était habillé comme ça. C'était un peu sa marque de fabrique. Bon, Brand New, c'est, on l'appelait Brand New, c'est sa seule composition en fait à lui. Il a fait deux trucs qui ont bien marché, mais c'était pas des tubes à lui. Et puis son plus grand disque, c'est quand même Brand New Cadillac. Ça a été repris depuis par les Clash, qui est très cool, la reprise est très connue sur London Calling, par Brian Setzer, hein, le gars des Stray Cats. Enfin, c'est vraiment un standard de chez standard du rock'n'roll, au même titre que, je sais pas moi, Blue Sweat Shoes. Comment c'est déjà les autres trucs Jailous Rock, ouais, voilà. Old Shook Up, c'est toutes ces choses-là. C'est un gros classique. Ouais, mais bon, je vous disais dans l'intro que Vince a eu une carrière désastreuse. Hein. En fait, il a émigré en France au début des 60s, quand le rock'n'roll commençait à rapporter avec Johnny et tout ça. Et il est donc assez connu hein, chez nous, je suis sûr que vos parents connaissent ou alors vous connaissez. Eddie Barclay l'a signé, le grand Eddie Barclay. Il a commencé ses concerts très sauvage et très violent, et il devient vite une attraction pour tous les blousons noirs de France. Sauf que le problème, c'est que les ventes d'albums ne suivent pas, parce qu'il a une image de bad boy pour le coup, et ça le fait pas du tout pour le grand public. Il va tenter plein de comebacks un peu foireux avant de se retirer définitivement en Suisse en 83. Il va sortir un petit truc en 87, mais il reste muret, hein, et puis il meurt à 52 ans seulement d'un cancer des os. Il laisse derrière lui un sacré héritage. Et son nom est définitivement écrit en lettres de sang dans l'histoire du rock'n'roll. Et sinon, il jouait avec Tony Sheridan, et c'est celui qui a enregistré le premier Beatles. Hein, le Beatles, c'était son backband, My Bunny, voilà, c'est la petite anecdote. Eh ben moi, je suis bien content d'avoir écouté l'original, mais mon amour reste au Clash, hein, je t'avoue. C'est tout vrai même, que voilà. La reprise des Clash est quand même très très bonne. Bon, rien à voir, on change complètement de style et d'univers, hein, de Cardigans. Et j'étais étonné en préparant cette émission, parce que j'étais persuadé qu'ils étaient anglais ou irlandais, mais non, en fait, ils sont suédois. Voilà, oui, donc oui. J'étais complètement à côté de la plaque. Comme Abba. Et en même temps, avec des noms de musiciens comme Peter Svensson ou Magnus Vengsingsson, j'aurais dû m'en douter, tu vois. C'est vrai que c'est pas très cockney, quand même. Donc, The Cardigans, c'est un hit mondial, on l'avait déjà tous entendu, hein, ne mentez pas. Hein. On va s'écouter Loveful des Cardigans, c'est sorti en 96, j'avais 5 ans. 96, j'avais 5 ans, oui. Et on s'écoute. Moi, j'avais un an. Et ouais, on s'écoute ça tout de suite, espèce de jeune. pour ne rien vous cacher, je ne connais pas très bien la discographie de The Cardigans, hein, j'avoue. Et sur internet, il y a un gros débat sur le côté One Hit Wonder ou non, hein, du groupe. Il y a du pour, du contre, et il n'empêche qu'hormis ce morceau, personnellement, peut-être il y a My Favorite Game qui est un peu connu aussi, mais ah, je ne... Ah, Toulouse, ouais. C'est peut-être un Double Hit Wonder. Ah ouais, je sais pas, il y a gros débat là-dessus. Hein, donc, et c'est un groupe parce qu'ils ont 6 albums, et à leur actif, et paradoxalement, ce morceau qui est leur plus connu a eu un succès plutôt relatif en France. Hein. Alors pour la petite anecdote, la chanteuse Nina Persson a écrit ce morceau en attendant l'avion dans un aéroport, et elle a même déclaré que les plus gros hits, ce sont ceux qui sont les plus simples à écrire, hein. Et c'est pas complètement fou, regarde Pharrell Williams, hop, c'est ça vrai. C'est fait. alors évidemment, vu sous cet angle, elle a pas tort, j'ai hâte d'écouter les Transpals, hein, le groupe de Thomas et Noé. Ah, mais nous, on n'est pas des One Hit Wonder. J'attends votre One Hit Wonder, hein. Attention. tu risques de vieillir avant de Alors bien évidemment, là encore, c'est souvent le cinéma ou les séries qui contribuent à entretenir un peu la hype autour du morceau, hein, comme celui-ci. On a bien évidemment eu droit à une période qui m'a grave saoulé, je sais pas si tu te rappelles, c'était celle des reprises de la série Glee. Ah ouais, ah, tu regardais Glee partout. Toi Non, je regardais pas, mais il y avait tout le temps reprise de Glee dès que tu cherchais un morceau. Putain, ouais. Et mon dieu, ce que Glee, ça m'a saoulé. Hein. Pour situer brièvement, c'était une série dans un lycée avec un groupe de chants. Ils reprenaient à chaque épisode 2-3 morceaux, ça chantait, ça dansait, et moi ça me saoulait. Alors pour terminer, pour la beauté du truc, le nouveau spectacle, ouais. De Vincent. J'ai réussi à rattacher ça à Blur, hein, parce qu'on en a toujours pas parlé de Blur dans cette émission. Oh, bravo. The Cardigans faisait la première partie de Blur, hein, vers la fin des années 90, et quelqu'un des Cardigans a lancé une petite boutade à Blur, et ça a pas plu. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors ils ont dit, ils allaient au Japon pour faire leur tournée, et ils étaient en première partie de Blur, et ils ont dit, puisqu'on a vendu plus d'albums que vous au Japon, peut-être que ce serait à vous de faire notre première partie. Oh, l'offense faite à Blur. Et là, je te raconte pas, il y a eu une baston de manager, enfin une baston, pas une vraie, mais les managers se sont engueulés, je te raconte pas, alors faut pas déconner avec les managers, hein, voilà. C'est dingue. Donc voilà, moi j'ai réussi à parler de Blur, hein, dans cette émission, où on a pas du tout l'occasion de parler de Blur, donc je te laisse enchaîner. Et ben moi je vais parler de Bowie, hein, parce que j'ai pas souvent le... Quoi, j'en ai parlé à la truc juste avant. Bon, ouais. Bah c'est pas grave, on va en reparler. Sortez les glitters, hein, les paillettes, les plateformes boots, je vois que Vincent d'ailleurs est bien dans le thème, hein, aujourd'hui. Ah. On fonce à Londres en 72 avec un énorme, mais quand je dis énorme, c'est énorme, hein, tube de mode de Hoople, All the Young Dude, qui vous a tant fait vibrer sur Guitar Hero et Aerosmith, on s'en souvient tous. On s'écoute ça tout de suite. In the head when he was 25. Speed jive, don't wanna stay alive when you're 25. And when you're stealing clothes from Marks and Sparks, and Freddy's got spots from ripping off the stars from his face, funky little boat race. The television man is crazy, Sam with juvenile delinquent Rex. Oh man, I need TV. Stones, we never got it off on that revolution stove. What a drag! Too many snacks. Nah, I drunk a lot of wine and I'm feeling fine. Gotta raise some cap to bed. Oh, is there concrete all around, or is it in my Stop the c'est légendaire, ce petit riff de guitare. C'est bien. Hein. Ah ouais, prêt à ringardiser toute une génération de rockers en 3 minutes. Bon, faut savoir que le morceau est composé par David Bowie, hein, je vous le donne en mille, qui l'a donné gracieusement à Mott The Hoople. En fait, le groupe était sur le point de splitter parce qu'ils n'avaient aucun succès commercial. Par contre, ils étaient assez cultes en fait, et Bowie était fan. Du coup, il leur avait proposé d'abord Suffragette City, un morceau qu'on retrouve sur son album Ziggy Stardust, quoi. Et ils ont refusé, et puis après, il leur a filé All the Young Dudes, et là, ça a été le méga succès. Hein. C'est peut-être pas des One Hit Wonder, Mott The Hoople, mais je sais très bien qu'on les retiendra spécialement pour ce tube-là. Merci, David. La chanson est une véritable hymne à la génération glam. Hein. Il fait d'ailleurs une belle comparaison avec les années 60 et leur esprit révolutionnaire, tandis que les 70s s'annonçaient beaucoup plus sombres et moins enjoués. Hein. Les paroles, elles sont géniales, et montrent une fois de plus que Bowie, c'est vraiment l'un des plus grands musiciens que tous les temps. Alors, excusez-moi. Pour les petites anecdotes, à un moment, le chanteur nous dit que Wendy volait des vêtements chez Marks & Sparks, parce que c'est Marks & Spencer, ouais, en fait. Sauf que la BBC, bah, ça passait pas, hein, il fallait pas faire de pub. Du coup, le chanteur Ian Hunter est retourné a pris l'avion pour Londres et a réenregistré ces deux lignes de chansons, ce qui donne Wendy Stealing Clothes from Unlocked Cars. Et puis il est reparti à New York, et ainsi la chanson a pu passer sur la BBC et faire un gros tube. Les Kings avaient eu le même problème avec leur chanson Lola. Sinon, tiens, est-ce que vous savez ce que ça veut dire dude au départ? Bah bon, maintenant ça veut dire les potes. Ça veut dire hey, mec, les quoi, amis. C'est ouais. Hey, mec. Mais au départ, en fait, c'était un terme péjoratif, hein, utilisé à la fin du 19e siècle pour se moquer des jeunes hommes très concernés par la mode. Et ça colle vachement bien, je trouve, à l'esprit glam et à tous les gars qui se faisaient traiter de faggots à cause de leurs cheveux longs et de leurs tenues colorées. C'est marrant parce que moi, je voulais parler aussi de glam rock avec Gary Glitter, je sais pas si tu connais, avec Rock'n'Roll. Si. Mais comme il a été condamné pour viol ou pédophilie, je sais plus, je dis bon, je vais peut-être pas en parler cette fois-ci. Ouais, moi aussi, je me suis tâté à le mettre, c'est ouais, drôle, mais, que, voilà. Mais non. Bon, écoute, on va rester dans les années 70, toute ma jeunesse, hein, avec Ram Jam, hein, ce groupe de hard rock très éphémère, hein, parce qu'ils n'ont pas fait long feu. Formé en 77, arrêté en 78, voilà. Tout juste le temps de nous déposer leur plus gros hit avec, et leur seul, hein, bien sûr, Black Betty. C'était un peu genre, hey, salut, on pose ça là, on repart, on n'a pas le temps pour le café, au revoir. Et grosse guitare, rythme effréné, hein, sans plus attendre, Black Betty par Ram Jam. On s'écoute ça tout de suite. C'était la folie, non hein ah, c'était hein la folie. Quand vous écouterez le best-of, vous verrez que c'était la folie. C'était génial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce morceau est une reprise. Eh oui, tu le savais ou pas? Non, je ne sais pas. Non, parce pas. Que l'original, entre guillemets, est attribué au chanteur blues américain qui s'appelle Huddy Ledbetter dans les années 30. Je dis entre guillemets parce que c'est le plus vieil enregistrement de ce morceau qui existe jusqu'à maintenant. Et l'histoire de ce morceau, elle est assez intéressante et on va faire un peu d'histoire, tu vois. En fait, il s'agirait à la base d'un chant de travail afro-américain. Hein. Et par chant de travail, c'est-à-dire que c'est un chant qui servait à marquer la cadence de travail pour les esclaves ou les groupes de prisonniers. C'est le chant. Le premier chantait Oh Oh Black Belly et les autres. Les autres faisaient Bam Bam. Et donc tu as peut-être en tête cette image d'une longue ligne de prisonniers qui étaient enchaînés à casser des cailloux, un peu comme dans Oh Brother. Comme dans ton jardin, non? Exactement. Comme dans mon jardin, ouais. On n'en parle pas ça. Oh, oh, oh. Et donc, cette chanson proviendrait vraisemblablement de la moitié du 18e siècle et on attribue plusieurs sens en fait et plusieurs significations à Black Betty par exemple. Ça pourrait être une bouteille de whisky parce qu'apparemment il y a eu un événement comme quoi il y avait deux jeunes qui faisaient un marathon pour une bouteille de whisky qui s'appelait Black Betty. Voilà. Donc, voilà. Ça pourrait aussi signifier un fusil puisqu'apparemment le bam balam ça faisait, du morceau ça fait référence au bruit de détonation d'un fusil. Et tu du vois. Coup, l'enfant du fusil ce serait quoi? Black Betty have a child. Oui. Ah oui, c'est vrai. En gros, elle a un enfant. Et aussi, ça pourrait signifier, on parlait de prison, un chariot pénitentiaire, tu vois, justement. Donc justement, Will Bartlett, le chanteur de Ram Jam, il n'en est pas à son coup d'essai, parce qu'avant Ram Jam, il avait un groupe du nom de Starstruck, et ils avaient déjà repris ce morceau, et ça n'avait pas marché. Et du coup, ils ont fait Ram Jam, ils ont fait ce morceau, ça a marché. Donc, tu vois, il a persévéré, le petit. Hein. Et donc, dernière chose, je ne résiste pas à l'envie de vous dire d'aller jouer au niveau musical de Rayman Legends, qui sont très très bons, et il y a une reprise de ce morceau avec du banjo, de la guitare et tout, c'est complètement génial. Ah, il est vraiment super cool ce jeu. Bon, tu sais ce qu'on ne met jamais dans l'émission? De la merde. Merde. On en met de la merde, mais on met jamais de musique allemande. Hein. Musique allemande, j'adore. J'en mettrai tout à l'heure. Et du coup, je compte rattraper le tir hein, avec la moins cliché. Hein. J'ai vraiment choisi la moins cliché des chansons allemandes. C'est sûr. 99 Zicht Luftballons de Nina. On s'écoute ça tout de suite. Ah, merde. We'll be right back. 20 Jahre Krieg, ließen keinen Platz für Sieger. Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab nen Luftballon gefunden, denk an dich und lass ihn. Vous l'aurez deviné, là on est en plein dans les années 80, hein, ce bon synthé qui tâche avec cette grosse basse là, que du bonheur. Hein. Si le titre est très dansant, il faut savoir qu'il parle quand même de la guerre. Hein. Ah oui, tu vois, je pensais pas, tu vois. Ouais, on aurait pas dit. En fait, c'est l'histoire de 99 ballons, hein, 99 Luft Ballon, qui volent dans le ciel vers l'horizon. Croyant à un ovni, un jet vient les voir pour sonner l'alarme au cas où, tu vois. Et puis les autres pays ne comprennent pas pourquoi il y a un jet qui vote tout seul dans le ciel. Alors ils croient que c'est... Ils croient... ça va pas louper. C'est alors, pas ce que vous croyez. Ils croient une attaque. Alors ils envoient 99 autres jets dans le ciel. Et du coup après il y a 99... Il y a 99... ministère de la guerre qui déclare la guerre à 99 pays. Oh putain. Et ça dure 99 ans. Et après, il reste plus que des ruines et il reste juste un seul ballon alors qu'il reste plus une personne et le ballon s'envole vers le ciel. Voilà, Nena a enregistré la version en 2010 hein, avec deux couplets en français pour Arte, donc si vous voulez mieux comprendre. Oh merde. Et la chanson, je crois qu'elle était apparue dans Scrubs à un moment, le héros il est dans la chambre d'un patient allemand, il cherche comment égayer la vie du patient, et il imagine une centaine de ballons rouges dans la chambre à danser avec la musique de fond. Ce gros cliché quoi, ils auraient fait pareil avec Charles Aznavour. Ouais, voilà, avec du lac du Connemara aussi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, je t'avoue quelque chose, moi j'aime pas du tout, mais pas du tout ce morceau. Hein. Bon, bref, après cet interlude allemand, on retourne aux États-Unis, hein, comme on dit, en 1980, avec un groupe de San Francisco, hein, Tommy Two Tone. Alors, Tommy Two Tone, c'est bien le nom du groupe, hein. Beaucoup pensent que c'était juste le nom du frontman, mais c'est bien le nom du groupe. Hein. Et on va s'écouter leur One Hit Wonder à eux. Hein. Il s'agit d'un numéro de téléphone et d'annonce, c'est 8675309, alors 867-5309 Jenny. Et on s'écoute ça tout de suite. Make you mine, Danny, don't change your number. Eh bien, figure-toi que cette fameuse Jenny existe vraiment. C'est vrai. Et oui, en fait, dans une interview de 82, le guitariste du groupe Jim Keller a déclaré que Jenny était une fille tout à fait normale, c'était pas une prostituée. Hein. Et que, alors, je cite, hein, et qu'un ami avait, à lui avait noté son numéro sur la porte des toilettes pour hommes d'un bar, et qu'il lui avait donné le défi de l'appeler. Et justement, le guitariste l'a fait, il l'a appelé, ils sont sortis ensemble quelques temps, voilà, et après, ils se sont plus revus. Alors, c'est bien beau tout ça, mais. Voilà, c'est une belle histoire, mais non, en fait, c'est une histoire terrible, tu vas voir. Alors, c'est bien beau tout ça, mais. Qu'est-ce qui se passe à ton avis quand tu balances un numéro de téléphone dans une chanson et que la chanson fait un carton ? Bah tout le monde appelle ce numéro de téléphone. Exactement, on a des milliers de petits malins qui se pensaient suffisamment drôles pour appeler le numéro et demander Jenny au téléphone. Alors justement, comme on est aux États-Unis, numéro de quelqu'un. Comme alors que c'est un, comme c'est un bout de numéro, t'as tous les indicatifs qui vont avant. Et donc justement, on a eu par exemple le cas de cette chère madame Lauren Burns, hein, une habitante de l'Alabama qui avait le numéro qui était 1-205-867-5309, qui a commencé à avoir des appels à 2-3 heures du matin, hein, de gens qui demandaient de Jenny. Et son mari, hein, qui était un peu sourd quand il répondait au téléphone, disait « Jimmy, non, il n'y a pas de Jimmy qui existe !» Tu vois, c'était complètement con. Et du coup, justement, cette habitante de l'Alabama, Lauren Burns, avait dit que si elle pouvait attraper le coup de Tommy Tutton et l'étrangler, c'est ce qu'elle ferait, quoi. Parce qu'elle elle a vécu un enfer, elle a dû changer de numéro. Oh. Et en fait, cette affaire de numéro de téléphone, elle a touché plein de monde. Genre, cette dame qui a reçu 22 000 appels à l'époque, à cause de ça, dingue. Tu vois. Ou encore, le groupe a été mené à ce procès parce que c'était le numéro de téléphone de la fille du chef de la police de New York. Ils sont vraiment mal tombés, hein, c'est dire. C'est vraiment pas de voilà, chance. C'est vraiment une anecdote, c'est complètement débile, quoi. Ils ont eu pas mal de soucis à cause de ça. Et donc, dernière petite chose, on trouve un paquet de reprises de cette chanson, hein, sur le net. Alors, il y a les Foo Fighters, je sais que tu adores les Foo Fighters. Ah, c'est vraiment mon groupe préféré. Goo Goo Dolls, et peut-être la plus horrible de toutes, et que je te ferai écouter à la fin, c'est la reprise de Nirvana qui a complètement massacré la chanson. Cette chanson-là ? Exactement, ouais, c'est vraiment c'est horrible. Bon, il fallait rétablir une vérité, hein. nous sommes là pour ça, nous reporters de l'extrême. Hein. On entend en ce moment à la radio une reprise de Shuga Shuga toute naze. Hein. On vous propose ici de vous délecter de l'original Baby Bash avec Shuga Shuga. On s'écoute ça tout de suite. Ceiling. And ooh-wee, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's better when we ride, we're bringing raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was dead when the money gone, you be dead when the money comes. Off top, I can't lie, I love to get blow. Get my little sugar, I'm your little chulo. And every time we kick it, it's all to the groovy. Treat you like my sticky icky or my sweet ooey gooey. Got me lifted, shifted, higher than the ceiling. And ooey, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Now I ain't worried about a thing, I just hit me a lick. I got a fat sack and a super fly chicken, and I ain't acting, you could say to a player. Cause doo-wop, she fly like the planes in the air. That's right, she full grown, setting the wrong tone. I'm digging the energy and I'm loving the ozone. So fly like a dove, fly like a raven, quick to politic with some fly conversation in a natural mood. And I'm a natural dude, and we some natural fools blowing out by the pool. She like my sexy cool mama, a blaze on the barada, rocking Doja Cabana, hydro in the guana. Shifted higher than the ceiling. And ooh, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? You know it's better when we ride, we're bringing raw high. What we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was dead when the money gone, you be dead when the money come. You know it's leather when we ride, wood grain and raw high. Doing what we do, watching screens, getting high. Girl, you keep it so fly with your sweet honey buns. You was dead when the money gone, you be dead when the money comes. For real, though. Got me lifted, shifted, higher than the ceiling. And ooh, ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? Sugar, sugar, how you get so fly? So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star. So high like I'm a star. On aurait pu la mettre dans notre émission sur les années 2000, hein, notre dernière émission. Et ça a été un super gros succès commercial quand c'est sorti en 2003. Numéro 1 en Nouvelle-Zélande, vous vous rendez compte. Oh putain. La musique est basée sur un sample de Barry White, ça en dit long sur le côté libidineux du morceau. Hein. En gros, ça fait des parallèles entre une super nana et de la weed, même si Baby Bash a déclaré que ça parlait que de la weed. Donc, il parle pas de nana. On parle pas de nana dans ce morceau. Par contre, la drogue. Drogue, on aime bien. C'est assez basique, hein, mais je crois qu'il y a quelque chose de grandiose hein, dans cette chanson. Une espèce de sensation de plénitude. Hein. D'ailleurs, lui, il dit à un moment This is the ultimate feeling. Je pense que c'est un peu ce qu'on ressent quand on écoute cette chanson. On est partagé entre le gros délire bien beauf hein, et une pépite musicale sans précédent. Bon, apparemment, ça tient vraiment du coup de chance hein, parce que sincèrement, on n'a plus entendu parler de Baby Bash après. Oh non. Jusque l'année dernière, où donc, un DJ allemand du nom de Robin Schulz sort un remix tout naze du titre en enlevant tout le côté sexy et en gardant juste une espèce de son que je nommerais son de pub Carrefour J'Optimisme. Vous voyez ce style de musique ouais. C'est con hein, mais ça aura au moins permis aux plus jeunes d'entre nous de découvrir peut-être l'original et qui sait de créer des vocations de rappeurs latino. Non, je plaisante quand même, faut mieux pas. Allez, encore un tube des années 90, hein, 1997 pour être plus précis, j'avais 6 ans, hein. Je vais répéter ça à chaque fois maintenant. Avec un nom un petit peu barbare, hein, Chumba Wumba, hein, un groupe de punk britannique qui n'ont pas vraiment marqué les esprits, hein, hormis un hit, hein, et ça tombe bien, puisque c'est ce qu'on demande aujourd'hui, hein, avec Tom Thumping, alors ami amateur de FIFA 98, ça va vous rappeler quelques souvenirs, hein, Noé peut-être. Parce que moi j'avais 3 ans, mais je l'avais sur Nintendo 64. Exactement, et donc on s'écoute ça tout de suite, c'est Chumba Wumba avec Tom Thumping. It's a lot. 30 ans de carrière, une vingtaine d'albums, et c'est tout ce qu'on a retenu d'eux. Hein, voilà, donc en tout cas, ça rappelle des souvenirs, ça, hein, FIFA 98. Hein. Ah ouais, c'était chouette, hein, on pouvait prendre la France. Comme j'ai dit, le groupe a vraiment explosé en popularité grâce à FIFA. Hein, de toute façon, les morceaux des jeux FIFA sont toujours très bons, hein, c'est dit en passant. Enfin, après, il y a des morceaux, parce qu'il y a aussi beaucoup de merde. Bon, il y a de la merde aussi, c'est vrai, mais bon. Et il faut savoir que le groupe est assez engagé, voire très engagé, notamment politiquement, puisque le groupe est en quelque sorte un collectif dédié à la destruction du gouvernement du Royaume-Uni, hein, ça c'est dit. Hein. Et ce morceau qu'on vient d'entendre est le morceau le moins engagé politiquement, mais paradoxalement celui qui a eu le plus grand succès, et ça a beaucoup déplu les fans du coup, parce que c'est un morceau qui est pas très engagé politiquement. Bah qui ouais. Voilà, t'imagines, ils parlent de leur groupe. Ah ouais, c'est eux qui chantent « Again, no ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, merde. Bon bref, c'est un peu comme on dit ah Blur c'est Song 2 alors que Song 2 voilà. Ah oui Blur, ouh, ouh, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc par contre, on peut pas reprocher au groupe d'avoir une certaine éthique, parce que par exemple dans les années 90, à la fin des années 90, ils ont refusé la somme $1,5 million à Nike qui voulait utiliser ce morceau dans une pub, hein, et ils ont dit non. Ouais, tout ah voilà, c'est pas comme A&M qui fait des pubs pour Coca-Cola, oh, ça. Ouais, ouais, exactement. Et ils sont allés encore plus loin en 2002. General Motors, la firme de l'automobile, ouais, leur a proposé $70,000 pour utiliser un de leurs morceaux, un autre morceau. Hein, c'était pas si long, je crois, c'est un truc comme ça. Et cette fois, ils ont accepté. Bon, bah voilà, la traîne de l'argent, hein, peut-être qu'il fallait payer des factures. Ouais. Eh ben non, en fait. C'est vrai que choisir entre 1 million et 70 000, j'aurais choisi les 70 000 aussi. Mais c'est là que c'est beau, parce qu'en fait, ils ont fait don de ces $70,000 à une ONG qui réalisait une campagne d'information contre General Motors. Voilà, donc douce ironie, une belle histoire. Hein. General Motors a financé par ce biais une propre campagne à son encontre. C'était vraiment, vraiment beau à voir. Voilà. Là, c'est discutable, hein. Un petit peu comme Loveful. Mais franchement, je pense qu'on retiendra le groupe qui va suivre juste pour la postérité, hein, comme mode de Hoople. Chelsea Dagger par The Fratellis, on s'écoute ça tout de suite. Chelsea, I believe that when you dance and slowly, so Bon, je suis sûr que vous avez déjà entendu cette chanson au moins une fois dans votre vie. Hein. Ça fait partie de ces chansons qui rentrent dans votre tête hein, pour ne plus jamais en sortir. La mélodie est tellement évidente que John Fratelli, le chanteur du groupe, a déclaré avoir été surpris que personne ne l'ait utilisée avant. Mmh. C'est pour dire, et c'est vrai que ça paraît évident. La chanson est devenue un très très grand tube hein, de supporters dans la veine des meilleurs Seven Nation Army, hein, non, parle pas ça. Po. Et aussi de Hey Jude, hein, des Beatles, la na na na na na na na na na Giroud. Ah non, je crois que c'était Giroud, moi. Non, c'est Giroud, merde, c'est Arsenal quand même. J'aimerais donc vous parler de la frontière poreuse entre sport et musique, hein. Mais on ne le fera pas parce qu'on fera peut-être un podcast spécial Euro 2016 en France. Ouh, enfin, ouais, ça se tente. On n'utilisera pas cette chanson vu qu'on l'a déjà utilisée là. Du coup, je peux me permettre de vous dire qu'elle est utilisée par l'équipe de Glasgow, hein, forcément le groupe est écossais, aussi par le groupe, par le club anglais de Chelsea. Pardon pour ma mauvaise prononciation. Moins normal par contre, elle est utilisée par le... Parce qu'en fait ils sont fans de Chelsea, hein, puis ils disent Chelsea, vous l'aurez compris. Forcément. Moins normal par contre, elle a été utilisée par le club de soccer des Montréal Impact. Ah oui. Et par la Juventus de Turin. Quand ils marquent des buts, c'est la chanson là qui met hein. À Rennes, on a... C'est tout. Mais en ce moment, ils la mettent pas souvent. Just can't get enough. Moins normal toujours, elle est utilisée par des clubs de hockey outre-Atlantique. Alors, on n'est pas dans un podcast de foot, hein, je te dis tout de suite. Hein. Non, mais des clubs de hockey outre-Atlantique quand même. Preuve que dans le sport, hein, tous les nananins sont des tubes. Oh, et donc au moins on va rester dans le culte avec Liquido. Louis, tu connaissais pas Liquido ? Ben non, moi j'ai jamais entendu parler. Ah, Liquido, c'est du rock alternatif. Liquido, c'est l'Allemagne des années 90. C'est surtout un hit avec Narcotique. Écoutez-moi ce beau synthé un peu cheapos hein, et ces grosses guitares un peu grossièrement saturées, justement. Tout un programme. Ah ouais, Narcotique de Liquido, on s'écoute ça tout de suite. Touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine. Calls all the stuff you'd rather blame. I touched your face, narcotic mind blaze, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Alors j'étais très étonné hier quand je t'ai fait écouter le morceau et que tu m'as dit que tu connaissais pas. Eh oui, ouais. Je ne connais pas. Tu connais vraiment pas parce que figure-toi que alors je suis déçu parce que c'est l'hymne officiel des Girondins de Bordeaux. Ah ouais, bah leur stade il s'appelle Matmut Atlantique. Si ah ouais, mais beaucoup. Quand même, toi qui es versé dans le foot, tu devrais savoir ça. Non, je ne savais pas. Ah, je suis vraiment déçu. Bon, alors malheureusement, le groupe n'a jamais réussi à répéter un aussi gros succès que ce morceau. Ils ont en fait, ils avaient sorti la démo en 96, il me semble, et ça avait bien marché, rien que la démo, tu vois. Ouais. Du coup, le label l'a ressorti en 98, rien que pour se faire du pognon. Ah, le label. Et un morceau très apprécié en Allemagne d'ailleurs, parce qu'une radio allemande l'a classé comme le second meilleur morceau de tous les temps. Hein. C'est et vrai ouais, le premier à ton avis. Je sais pas, Non, c'est un petit peu plus sérieux, c'est Stairway to Heaven quand même, voilà. Donc c'est dire, hein. Donc ce morceau, c'est le second meilleur morceau de tous les temps. Eh bah. Alors, j'avoue que j'ai rien trouvé d'autre sur le groupe d'informations intéressantes. Alors, c'est vraiment la dèche, donc pour combler les quelques secondes que j'ai ameublé, je te propose un petit quiz When It Wonder ou pas When It Wonder. Ah, t'as allez, vu un c'est peu parti. Selon Wikipédia. Alors c'est selon Wikipédia, ça te dit, hein, ça va aller vite, hein, mais attention, c'est selon Wikipédia. Hein. Attention, t'es prêt? Vas-y. Alors ça va aller vite. Foster the People. Oui. Oui, selon Wikipédia, oui. Robin Sick. Oui. Non, selon Wikipédia, c'est non, je l'ai pas trouvé. C'est vrai? Et ouais, Mark Ronson. Ah non. Et si, c'est oui. Putain. Ah ouais, attention, Smash Mouth. Oui. Et non. C'est vrai? Non. Et Wikipédia, c'est... Et Lara Fabian. Ça va être oui. Oui, c'est oui. C'est selon... En fait, tout ça, c'est selon Wikipédia anglais, c'est je sais pas dingue. Trop comment ils ont classé ça. Attention, Gorillaz. Non. Oui. Et c'est incroyable. C'est incroyable, t'as vu. Alors peut-être que j'ai mal cherché, mais franchement, c'était très mal classé déjà et j'étais étonné. Wikipédia. Et enfin un dernier, on s'écoute ça tout de suite. Non. Non, bah non, quand même pas, voilà. Donc ça, comme tu vois, la page de Wikipédia là-dessus était un petit peu douteuse, hein, donc écoutez plutôt, on s'écoute ça tout de suite pour avoir des vraies infos sur les One Hit Wonder. Hein, voilà. J'ai réussi à meubler, maintenant c'est à ton tour. Bravo. Un petit slow. Ah, ça me dit. Et on danse, et pas n'importe lequel slow, the slow des années 80 avec Still Loving You et la musique de la boum de Vladimir Kosma. Je veux bien sûr parler d'Everybody Got to Learn Sometimes des Corgis. On s'écoute ça tout de suite. Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Everybody's gotta learn sometimes. Everybody's gotta learn sometimes. Everybody's gotta learn sometimes. Merci Vincent pour cette danse, ce fut un moment... Ouais, mais rassure-moi, c'était ton téléphone, la chose dure dans ton pantalon. Oui, j'ai un Nokia 3310. Ah, ça va. Mais j'avais sorti l'antenne. J'imagine le nombre de quarantenaires qui est emballé sur cette chanson. Hein. Pendant les booms du samedi après-midi, hein, ces étranges parades amoureuses hein, sur fond de soda à l'orange et de chips au poulet. Je sais pas si ça existait le poulet à l'époque, mais non. Ils ont dû l'inventer après. The Corgis est un groupe de New Wave britannique. Bon, comme tous les One Hit Wonder, hein, ils n'ont pas eu une énorme carrière après Everybody Got to Learn Sometime. Mais en 73 quand même, hein, les deux leaders du groupe avaient une autre formation et ils ont fait un album avec George Martin, le producteur des Beatles, qui est décédé il n'y a pas longtemps quand même. Mais sans succès, hein, pas le même succès des Beatles. Bref, en 82, c'est la grande déferlante. Hein. C'est vrai que le morceau est particulier. Hein. Est particulier. C'est vrai que... Bref, en 82, c'est la grande déferlante. C'est vrai que le morceau est particulier, mais en même temps, super facile d'accès. Il y a une ambiance assez froide hein, qui aura sûrement inspiré, par exemple, Moderate sur leur tube New Error. Je sais pas si t'en as entendu parler. Non, je connais pas. C'est un groupe d'électro assez récent, mais je sais pas, ça me fait penser à ça. Puis la chanson a été reprise hein, maintes et maintes fois. Everybody, appelons-le Everybody, est une chanson d'amour, vous l'aurez deviné, et ça parle d'un homme qui supplie sa femme de l'aimer, et en lui montrant combien il l'aime. Ça fait beaucoup d'aimer, mais c'est ça l'amour. Aimer, c'est beau. Voilà. L'amour sans amour, ce n'est plus de l'amour. À savoir qu'une des nombreuses reprises de la chanson, sûrement la meilleure d'ailleurs, c'est celle de Beck, a été la BO du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, hein, et colle très bien à l'histoire du film. En gros, parce que l'histoire est quand même assez complexe, hein, un homme veut reconquérir une femme qui l'a rayée de sa mémoire, donc ça colle vraiment très très bien. Allez, c'est mon dernier morceau, hein, bientôt la fin de l'émission, et figure-toi que j'avais vraiment hâte d'arriver à celui-ci parce que c'est un hit que j'adore énormément. IMF, donc c'est un groupe de rock alternatif des années 90, on est toujours en Angleterre, hein, parce qu'on a pas mal parlé. 90, ah, moi j'aime bien, c'est mon petit bonbon, ma petite gourmandise. Hein. Premier single du premier album et carton plein avec Unbelievable, on s'écoute ça. I've realized I'm gonna shoot through and leave you the thing. unbelievable. You're unbelievable. Seemingly loud, don't mean you can ask us. Pushing down the reticence, bringing out your higher self. Think of the fine times, pushing down the better view. Instead of bringing the attitudes to what the world and everything you ask. Brace yourself, the grace of peace, I know this world and what it seems. It's unbelievable. You burden me with your questions, you have me tell no lies. You're always asking what it's all about, don't listen to my replies. You say to me I don't talk enough, but when I do I'm a fool. These times I've spent I've realized I'm shivering, I leave you. The things you say, your purpose just the things you say is what I love you more. The things you say, your platforms just give you away. The things you say, you're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Unbelievable. Bon, il est pas classe ce morceau ? Ah, il est classe. Ah, moi j'aime bien, moi j'aime bien. Alors, IMF, hein, le nom du groupe, ça signifie Epson Mad Funkers. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Epson comme les imprimantes ? Oui, oui, mais ça n'a rien à voir avec les imprimantes parce que c'était le nom d'un très célèbre groupe de fans de New Order, donc c'est sûrement là que vient leur inspiration. Hein. Ça donne déjà un petit peu le cadre au niveau influence. Mais selon certaines rumeurs, ça voudrait plutôt dire Ecstasy Motherfuckers. Hein. Voilà. Oh, c'était la grande légende du rock'n'roll. C'est vrai que. Mais en fait, je me pose la question, étant donné que le pseudo d'un des membres du groupe, c'est DJ Milf. Voilà, donc moi, je me pose la question, franchement. Hein. What bon. You call Milf, I call Milf. Bon, ce qui est très drôle, hein, c'est que One Hit Wonder Oblige, c'est que durant leur seule tournée qu'ils ont fait aux États-Unis, étant donné que le public n'avait jamais entendu d'autres morceaux d'eux, hein, justement, et ben, en fait, ils faisaient ce morceau plusieurs fois par concert pour garder un petit peu d'ambiance, sinon ben, ça retombait aussi sec. Voilà. Mais bon, la consécration, c'est que Tom Jones est un grand fan du groupe, hein, et chante Sex-bombe. Sex-bombe, voilà, bon, lui aussi, c'est peut-être un One Hit Wonder, je sais pas. Mais non, bon. c'était un grand chanteur. Bah ouais, mais moi, je connais que ça de lui, hein, de Tom Jones. Bon, bref. Il chante régulièrement ce morceau à ses concerts, et il a même joué avec IMF, hein, sur la télé britannique au début des années 90. Et selon la rumeur, en fait, ils se sont pris une grosse cuite après ce soir-là. Tom Jones, c'est le groupe. Je peux te dire que la céramique a souffert le lendemain. Bon, bref. Pour être franc, il y a quand même débat sur le côté One Hit Wonder du groupe, parce qu'ils ont aussi fait Lies, hein, sur un autre album, mais qui a moyennement marché. Donc bon, ça, c'est une autre histoire, les Double Hit Wonder, comme on dit. Et c'est déjà l'heure de nous quitter, malheureusement. Ah oui, ça passe trop vite. Vincent, où est-ce que vous pouvez nous retrouver ? Eh ben, nous pouvons nous retrouver, justement, sur facebook.com/ on s'écoute ça tout de suite. Et aussi sur le nouveau mini-site, hein, de PodCloud, on s'écoute ça tout de suite.podcloud.fr. Et vous pouvez, si vous avez Podcast Addict ou tout autre lecteur de podcast ou de flux RSS, rajouter le flux, hein, qui est on s'écoute ça tout de suite.podcloud.fr/RSS. Hein, comme ça, vous avez les notifications quand nos épisodes sortent et vous pouvez les télécharger ou les streamer comme ça. Super Vincent, super. Voilà, je vous remercie. Bah, chic, oui. Pour la semaine prochaine, on aura un invité, que dis-je ? Une invitée. Qui répond au nom de Chloro, c'est son pseudo. Chloro PLS. Ce sera émission open bar, hein, comme quand on est ouais. habitué. Vous commencez à être habitué, hein, vu qu'on a déjà eu un invité une fois. Ouais. Et non, et pas des moindres. Voilà. Et c'est tout. C'était un plaisir de faire cette émission. Ah bah, toujours un plaisir. Et j'espère que ce sera un plaisir pour vous de l'écouter. On vous embrasse et permettez-moi de finir donc avec une chanson extraordinaire, comme beaucoup de chansons. C'est Edwin Collins avec A Girl Like You. Alors vous allez dire, eh mais c'est pas Edwin Collins qui chante, c'est Iggy Pop. Et vous aurez raison, la voix ressemble beaucoup. En fait, la chanson c'est un hommage à Iggy Pop, hein, mais c'est aussi, mais c'est pas Iggy Pop qui chante, c'est Edwin, attention. Et ah c'est oui. aussi un tube mondial, hein, de 1994. J'imagine, hein, je me plais à imaginer Vincent, hein, dans, au volant de son Toyota RAV4 en allant à la maternelle, qui écoutait ça à fond, hein, pour se la péter devant les filles. En fait, Edwin Collins, excusez-moi, c'était un peu, il était déjà connu comme le chanteur du groupe post-punk Orange Juice, hein, mais c'est son seul gros hit solo, donc ça compte comme des One Hit Wonder, non ? Oui, on va dire que ça passe, ouais. Voilà, j'aime bien sur... parce que le morceau est bien. Hein. J'aime bien parce que sur Wikipédia, ils parlent d'une rythmique Northern Soul approche et tout. En fait, ils sont pas allés chercher bien loin, hein, puisque la rythmique a été piquée d'un vieux type de Lynn Barry, hein, nommé 1-2-3, hein, qui donnera pas, bien sûr. 1-2-3, vive Algérie, vous le savez bien. La petite anecdote qui va bien avant de se quitter, c'est Paul Cook, hein, l'ancien batteur des Sex Pistols, qui joue du vibraphone sur le titre, hein, La Grande Famille Consanguine, hein, des artistes anglais. Ouais, oui. Le vibraphone, c'est un espèce de xylophone, hein, vous entendrez après le refrain. C'est cool parce que la chanson mélange plein de trucs, hein, la grosse fuzz sur le thème principal, vous allez voir, pas étonnant que ça ait plu à Miles Kane qui l'a repris en 2011. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour nous. A Girl Like You, by Edwin Collins. On s'écoute ça tout de suite. Au revoir. Au revoir.